un aveu, tes gestes me désarment. Ta main dans tes cheveux, ou qui sèche une larme. Tu mêles savamment l'innocence et le charme. Ta jupe de 15 ans et tes jambes de femme. Tes bras encore si frères deviennent rassurants quand tu donnes à l'enfant. Ta douceur maternelle, dis-moi qui t'a appris à effleurer ma bouche, toi qui suces ton pouce quand tu es endormi. Plus belle qu'une ondine quand tu sors du bain, tu caches ta poitrine dans la paume des mains. Les hanches insolentes à chaque mouvement, une bouche gourmande et des yeux innocents. Le soleil apprivoise ton corps à contre-jour et trouble les contours de ton ombre chinoise. Et dis-moi qui t'a appris à effleurer ma bouche, toi qui suces ton pouce quand tu es endormi. Comme une adolescente à son premier désir, experte et maladroite, offerte à ton plaisir, tu es en même temps princesse courtisane, une fille, une femme, et la mère et l'enfant. Je te regarde vivre, tu me redonnes vie. Tes gestes me délient de tout ce que je suis.